que vous avez engagé un employé spécifiquement pour transporter la soupe tous les jours? Pas spécifiquement, mais elle avait une tâche de surveiller la soupe. Il allait chercher la soupe, il fallait qu'il parte vers, je pense, entre parenthèses, j'étais pas là, mais je pense qu'il fallait qu'il parte entre 10h et 10h30 pour être de retour pour midi pour la soupe. Austère, il ne coupe pas dans les dépenses et enrichit bien des gens. Vraiment, il ferait un très mauvais budget péquiste, mais c'est tant mieux, parce qu'il fait tout un animateur. Accueillons Jean-Philippe Fournier! Yeah! OK. Hey! Bonsoir tout le monde! Ah, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement temps de nous remettre du match Canada-États-Unis. On va l'avouer, là, on n'a pas travaillé fort aujourd'hui. Fait que ça se pourrait que ça soit moins. Parler pour vous, hein, parce que moi, pendant le match, j'épluchais le dernier budget Marceau. Ah! J'ai fait mes devoirs. Ah oui! Et puis? Ben, c'est pas vraiment un budget, il manque comme plein de morceaux, là. Il manque des marceaux. Il manque des marceaux? Ben! Ben, regarde, c'est l'austérité partout. Hein. Ah ouais, ils ont même plus assez d'argent pour finir un budget. C'est carrément même. On est rendu là. Non, en tout cas, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Ben oui, ben vous savez, là, on sait qu'il va y avoir des élections. Là, ça bouge. Hein. Cette semaine, il y a Philippe Couillard qui a dit que Pauline Marois, là, tenez-vous bien, là, préparait un référendum en secret. Mais là. Qui c'est qui va voter s'il est secret? Ben, c'est bien une mauvaise stratégie. C'est un secret. Ah! C'est ça l'affaire. Sinon, quoi d'autre? Jacques Duchesneau qui se présentera pas aux prochaines élections. Ben, c'est pas un secret, ça a été annoncé partout. Je sais, mais lui-même était surpris. Sinon, quoi d'autre? Il y a Gaétan Barrette qui se présenterait, il paraît. Ouais. Ah ouais, dans quel comté? En fait, c'est ça, ça serait dans deux comtés. Ah ouais! Oh, franchement. Moi, c'est ces blagues-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait là-dessus. J'ai envie de m'en aller. Sinon, quoi d'autre? Il y a Pierre-Carl Péladeau. Hein? Là, on a entendu la rumeur cette semaine. Il se présenterait pour le PQ, première surprise, dans Saint-Jérôme. Ben oui, mais je comprends pas pourquoi Saint-Jérôme, il habite même pas là. Non, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas encore le câble là-bas. Fait qu'il en profiterait pour amener du filage. Ah! Il est d'affaires, lui. Ben oui, ben, c'est comme ça qu'il a fait son argent. Pas à cause de son père. Voyons donc. Self-made man. Sinon, quoi d'autre? Il y a Martine Desjardins qui a été approchée par le PQ. Elle l'a révélé, aujourd'hui. Ben oui. Et elle hésite. Ah. Hein, vous savez? Ben, il faut dire qu'elle n'a pas encore fini sa maîtrise. Ah, ouais, hein? Elle entre dans sa 9e année. Ah ouais, quand même. Mais là, ça gagne ces élections. Là. C'est un mandat de 4 ans. Ça va être short pas mal pour elle. Ah oui, regarde, c'est des projets à long terme. Ben oui. Quoi d'autre? Il y a bien des projets, évidemment, des projets de loi qui risquent de tomber à l'eau avec les élections. On le sait. Il y a la charte. Mm-hmm. Mon Dieu, on ne veut pas ça. Hein? Quoi d'autre? Il y a mourir dans la dignité. Ben oui. Aussi. Ça, le sauvetage des Bixies? Non. Les Bixies. Les Bixies. Non. Ouais. Il y en a plusieurs. Faut l'accorder. Non, mais ça, c'est la ville de Montréal qui a racheté ça. Hein, 12 millions de dollars pour acheter les Bixies. Là, est-ce que c'est la STM qui va s'en occuper? Parce que c'était ça, la rumeur. Ouais, mais non, puis c'est une méchante chance. Écoute, je disais, voyons, les vélos seraient toujours en panne. Ouais. Les vélos seraient toujours en retard. Il n'aurait pas assez. Les itinérants qui dorment ses pédales. Ah, j'avoue. Des vélos pas propres. Voyons donc. Personne veut ça. Et d'ailleurs, comme on le disait plus tôt, il y a évidemment la charte qui va tomber à l'eau. Ben en tout cas, pour le moment. Et je vais vous dire, ça va faire de la peine aux druides du Québec. Hein. Vous l'avez vu cette semaine en commission, en consultation parlementaire, c'est pas une blague, là. Ils ont appuyé la charte. Ah ouais? Ouais. Fait que ça veut dire que Panoramix et Paul le crucifix, ça m'étonne, ça. Oui, et ça, c'est un appui de taille pour Bernard Drainville. Il attendait ça impatiemment. Ouais. Gros soupir de soulagement au PQ. Tu ne veux pas être contre les druides. Ah non. Non. Ils te font des potions, mes amis. Ah. Là, c'est dangereux. Hey, les Romains l'ont appris à leur dépens. Ben oui. Hein? Et Bernard ne fera pas la même erreur. Oh non. Hein? César Drainville, qu'on appelle. C'est Hervé Bernard. Hervé Bernard. Parlant de vieilles affaires, je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine, c'était dans les nouvelles. Il y a une Américaine qui a fait de la prison pour avoir rapporté à son club vidéo une cassette VHS qu'elle avait louée en 2005. C'est pas une blague, là. Franchement, ça a donc même pris du temps. 9 ans pour ramener un film. Oui. Ben, c'était loin un film québécois. Elle s'est endormie dessus. Lequel? Ah, lequel? Les mythes sont toutes plates. Voyons donc. Ils sont pas regardables. Ça a moins ri, ça. Hein? Non, on rit on s'amuse, mais on a beaucoup aimé Hot Dog. Parlez pour vous, parce que moi, pendant ce temps-là, j'ai plus cher le budget morceau. Passionné budget, moi. À ce point-là. Ah, hein? Je les ai toutes laminées chez nous. Ah oui? M'en manque un. Ah, OK. Hey, parlant de s'endormir, je vous dis que ça va pas bien ce temps-ci en Ukraine, et je pense qu'il faut pas rire de ça. Fallait juste le mentionner. Hein? Nous, on se donne des objectifs. On amène la foule en bas. puis quand la foule est bien dense, ouais, on repart. On part. Hein? Fait que on a parlé. Ouais. Regarde, il y a plein de monde qui parle pas de ça. L'humour est national. Ça me fait penser, vous savez qu'il reste juste une semaine hein, pour cotiser dans vos REER de la FTQ. Alors, non, mais ne tardez pas, parce que comme disait Rambo Gauthier... T'es bien mieux de cotiser, mon esti tabarnak de calice. Moi, le sais où c'est ta famille, c'est un pénal. Moi, mon chèque est dans mal. Ah ouais, ouais. J'ai mis 3 teintes, moi, j'ai pas plus de chance. Ah non. Moi, j'ai mis 3 teintes, puis je vais aller le porter moi-même. C'est jamais ce qui peut arriver entre-temps. Ouais. Non, non, mais ça sert à rien de se casser une jambe puis pas cotiser réel. Oui, c'est un win-win, cette affaire-là. Ben ouais. Puis il paraît que t'as de la soupe, en plus. Heureusement, nos invités de ce soir ne sont pas membres de la FTQ Construction. Non? Moi, est-ce qu'on sache? Là? Je pense pas. Ouais. On reçoit tout d'abord Sugar Sammy. On est très heureux. Ouais. Hey, ça, c'est un humoriste que j'aime beaucoup. On est d'ailleurs allé voir son spectacle bilingue. Parlez pour vous. Pendant ce temps-là, j'épluchais le dernier budget Marceau. De toute façon, j'ai fait mes devoirs. Mais vous avez manqué de quoi, Fred? Ah ouais. Ah, c'est très drôle, l'humour bilingue, surtout les bouts en français. Je comprends pas bien l'anglais. Ah. Alors c'est, ça a dû passer vite. Oui, ben, tu tweets dans ce temps-là. Sinon, on reçoit l'homme à tout faire et réalisateur de films, Simon-Olivier Fecteau. Hein? Très content de se voir. Bonsoir, ces gars-là. Alors, réalisateur, il a fait une moitié de film et des capsules sur YouTube. Là, pas viré fou, là. Eh ben non. À moins que j'en ai manqué des bouts, là, je suis en train d'éplucher le bûcher Marceau. C'est ça. Peut-être que vous mélangez avec les têtes à claque aussi. Mais on aura le temps d'éclaircir tout ça parce que la soirée est encore jeune. Oh! Hey, je pense que les gars sont partis chez eux. Olivier! Internet. Oui, ben imaginez-vous donc que les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront constater que s'il y a des élections au Québec, ce sera à cause d'Éric Duhaime puisqu'il a écrit sur Facebook « Quand un sondeur appelle, on doit tous répondre qu'on veut voter PQ. Ça donnera l'envie à Pauline de précipiter les élections et la chance à tous les Québécois de nous débarrasser du pire gouvernement économique de l'histoire. Je suis vraiment surpris que l'ADQ ait jamais pris le pouvoir avec ce gars-là comme stratège. C'est à n'y rien comprendre. C'est de la finesse. C'est de la finesse. Je comprends rien. Ouais. On passe au courrier des auditeurs. Oui. Ben d'abord, il y a Laurence Olivier qui nous dit « S'il vous plaît, plus d'Olivier Niquette et moins de Jean-Sébastien Girard. » Ah, ben, c'est pas une question, ça. C'est pas une question, c'est une bonne suggestion quand même. C'est une très bonne suggestion. Il faudrait peut-être noter ça, d'ailleurs. Jean, le réalisateur, s'il vous plaît, juste le noter, ce serait niaiseux de perdre cette bonne suggestion. Bon, parfait. Puis je trouve que ça fait du sens, moi. Hein? Sinon, il y a Louis Boutin qui demande « Quand est-ce que vous allez inviter Régent Tremblay? » Ben, d'abord, on l'a déjà reçu passé, là, et notre budget en souffre encore. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voulait le revoir pour parler des garderies à 7 $ qui, selon lui, nuisent aux efforts de médailles olympiques. Mais maintenant qu'elles sont rendues à 8 $, ben, on va le se faire. Ouais. Hein? Tout est réglé. Hey, plus de médailles! Ça va être des méchants Jeux olympiques dans 4 ans. Ça va être malade. Ah, barouette! Hey, merci beaucoup, Olivier. On va les rejoindre maintenant Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, bon, bonjour Philippe, comment allez-vous, mon bonhomme? Pas mal pendant tout, vous-même? Oui, très bien, je vous remercie. Bon, vous nous parlez de quoi, là? Ben écoutez, vous le savez, je vous en ai parlé brièvement tantôt, je me sens aujourd'hui investi d'une responsabilité envers notre auditoire. Voyons donc, c'est ma première fois. Oui, vous le savez, on vient vivre une très, très grosse semaine sur le plan de la politique provinciale. Mais-en. Dépôt du budget, des élections bientôt. Alors, je me suis dit, évidemment, puisque la soirée est encore jeune et une émission d'actualité, Jean-Philippe va sûrement savoir des élus, des ministres, du monde comme ça. Non. Mais non. Non. Hein? Non. Je pense que votre recherchée, c'est en burn-out. Ouais. Hein? Je pense qu'elle a l'impression qu'elle travaille pour bon baiser de Pénélope. Ça se pourrait, oui. Elle vous a booké 2 artistes de variété qu'on a vus partout cette semaine. Je le sais. On était à la fin de la ronde de lait. Mais qu'est-ce que vous voulez, Jean-Sébastien? Exactement. Alors, évidemment, j'ai voulu, moi, de mon côté, aller à la rencontre d'un gros nom pour parler de politique, parler de budget, et j'ai trouvé la personne en or, Jean-Philippe. Bon, ben au moins, vous avez quelqu'un de politique. J'imagine que vous avez quoi, Pauline Marois? Ah, non, j'ai essayé, mais je ne l'ai pas eu, malheureusement. Quelqu'un d'un petit peu moins big, Jean-Philippe. Oh boy. Philippe Couillard, j'irais, moi. Non, un tout petit peu moins big encore. Eh boy, on est rendu loin, là. Attendez un peu. Françoise David? Ben non, pas Françoise David, quand même. Quelqu'un d'un petit peu moins big encore que Françoise David, Jean-Philippe. Ben, c'est parce que là, il commence à faire noir dans le sous-sol. Là. Attendez un peu. Moins big, ben là, toujours ben pas François Legault, ce serait ben le bout. Qui? Bon, non, laissez faire, il est mort politiquement sur une couple d'années, c'est correct. Ah, mon Dieu! Ouais. Rien de grave ce jour? Ça devrait aller, Jean-Sébastien, c'est correct. Phew! OK. Bon, ben bref, tout ça pour vous dire que j'aurai avec moi celui dont le Québec attend impatiemment de savoir ce qu'il pense du budget, Jean-Philippe. Ah. Et j'ai nommé le chef du parti Option nationale. Ben, Voyons donc, le chef d'option... Ben voyons, c'est une blague. Ben pourquoi ça serait une blague? C'est le chef d'un parti, Jean-Philippe. Ben non, je veux bien, mais on est à ici, Radio-Canada Première, là. C'est, on est au national, Jean-Sébastien, ça serait un peu... Faut qu'on ait des sujets quand même, là. Pardon? Est-ce que vous auriez aimé mieux que je fasse un slam de l'actualité de la semaine? Non, mon Dieu, non, Jean-Sébastien, quand même. Bon, alors, de toute façon, je l'ai contacté. Il s'en vient dans quelques minutes. Alors, je recevrai ici, en direct, le remplaçant de Jean-Martin Hossan. OK. Et, mais c'est quoi son nom? Oh, mon Dieu, son nom. Hey! J'ai-tu l'air d'Alain Gravel? Ben bon, ben, c'est pas l'émission qu'on va présenter aux Olivier cette année, hein? Ah, ça, c'est sûr, hein? Mais je reviens tout de suite, mon bon Jean-Philippe. Ben, merci bien. Notre premier invité, Fred. Il est connu à travers le monde, les souverainistes le détestent et les fédéralistes le vénèrent. On pourra le voir sur nos petits écrans. Bientôt, accueillons Sugar Sammy! Une bière, Sugar? Sure, Glutenberg. Ouais, ben déjà ouverte, on t'en donne une fraîche. OK, parfait. OK. Hey, merci de venir nous voir. Hey, merci à vous. Tu sais quoi, avant de commencer l'émission, on se demandait qui on invite en premier. Est-ce qu'on invite Simon Olivier, tu sais, ou on invite Sugar? Parce qu'on vous voit tout le temps en même temps. Mm-hmm. Fait que là, on se demandait, on a débattu pendant quoi, 10-15 secondes. Puis vous avez fait le mauvais choix. Ah oui, comment ça? C'est vrai? Parce qu'au pire, non, on switch. Hein? Ouais, d'habitude, c'est plus safe de commencer avec Simon. Ben, c'est vrai, le pire, on s'est dit, c'est pas mal plus safe. Il est fin, Simon. Ouais. T'sais, pis, ouais, ouais non, mais c'est il est vrai. C'est vrai. Puis il est agréable. Oui. Mais en même temps, ouais, non. C'est ça. Bon, on prend un risque. Okay. Pour pire, ça va vraiment mal, on invite Simon. OK, parfait. Ça parfait, va? Parfait, parfait. OK. Hey, Sugar, vous êtes une vedette internationale, on va se le dire. Hein? Okay. Vous faites des tournées un peu partout. OK. Ça fonctionne bien aux États-Unis. Oui. Pourquoi vous venez au Québec? Vous écœurez. C'est la plupart des gens, surtout les souverainistes, sont comme « Hey, quand c'est ta carrière internationale? » Ouais, tu sais, comme ça va bien, man. Ça va-tu bien? Non, mais moi, j'aimais ça faire des shows en français aussi. Je voulais essayer en français. Pour pratiquer ton français. Pour pratiquer mon français, parce que ça va vraiment mal. Puis j'ai dit « Hey, je vais essayer un show bilingue ici à Montréal. » Puis après ça, j'avais commencé en français. Puis ça décollait tellement vite, ben oui. qu'à un moment donné, on n'avait plus le choix que de continuer. Puis, mais en même temps, j'ai beaucoup de fun à faire ça au Québec. Parlons de la promo que vous avez mise sur Facebook à l'automne passé, parce que ça m'a fait bien rire, cette histoire-là, avec la comparaison entre Pauline Marois et Rob Ford. Mm-hmm. Hein, à savoir que vous feriez plus confiance au crackhead. Oui. Ouais. Puis là, au début, je pensais, pourquoi traiter Pauline Marois de crackhead? Je comprenais pas. Mais, trouvais ça chien. En même temps. Non, mais ça a fait beaucoup jaser. Puis à tout le monde en parle dimanche dernier. On vous a posé la question. Puis finalement, c'est Simon Olivier qui a répondu. Fait que moi, je reposerai la question. Je sais que ça a été surprenant de voir ça dans l'actualité. Ça a fait des nouvelles à TVA. Ouais. Mais en même temps, les nouvelles à TVA. mais n'empêche, vous l'avez retiré de Facebook comme 3 jours plus tard. Non, on l'a retiré. Moi, je l'avais mis un vendredi soir. Ouais. Puis dimanche, je l'avais retiré. Parce qu'à un moment donné, ça a commencé toute une dispute, ah ouais? entre le camp souverainiste, puis le camp fédéraliste, puis les Anglos. Puis tout le monde était en train de se disputer sur mon Facebook. J'ai dit, OK, c'est pas vraiment ce que je voulais. Ouais. J'ai retiré ça. J'ai dit, OK, c'était une joke. Là, j'ai retiré ça. Puis j'ai dit, c'était mort. Je me suis dit, c'était mort. Lundi, je me réveille. Ouais. Je suis en train de faire la tournée de promo en anglais pour mon show bilingue qui continuait. Puis là, c'était aux nouvelles partout. C'était déjà retiré avant que ça passe aux nouvelles. Puis là, tout le monde commençait à nous appeler. C'était deuxième nouvelle à LCN. Premièrement, c'était les morts à Philippines. Puis après ça, le post Facebook de Sugar Sammy. Hey, c'est chien, ça, de faire voler par les morts aux Philippines. Sérieux? Exactement. Comment? Moi, je suis en crise. Ben là, je comprends. Personne veut ça. Puis ouais, ouais. on s'est dit, wow, il manque vraiment de nouvelles au Québec. Mais non, mais est-ce que vous faites jaser, en fait? Puis là, j'ai dit à Denis Codan, est-ce que tu peux tweeter à propos de David? Puis là, ça m'a sauvé. Bang! Excellent! Non, mais regarde, le gars, il sait comment gérer ça, Twitter, Denis. Hein? Il est très bon. En France, en ce moment, il y a un gros débat avec Dieudonné. OK. Je suis ça? Ah oui, j'ai suivi ça. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas encore vu des shows de Dieudonné, donc je sais pas exactement. Ça fait longtemps qu'il roule, par exemple. Ouais. Il y a eu une époque que c'était correct d'aller voir des shows de Dieudonné. Maintenant, c'est moins correct. Ouais, maintenant, c'est moins correct. Je pense que quand le gouvernement décide qu'il faut intervenir, là, les gens écoutent des fois. Il y a des élections bientôt. Il y a des chances que Pauline décide. Moi, mes bagages sont faits. À cause des neiges. Ouais, c'est ça. Parce que là, je disais, Pauline arrive peut-être majoritaire. Là, ouais. Là il y a une petite chicane. Moi, je suis surpris qu'on me laisse encore travailler au Québec. Ouais. C'est un petit guilt, là, mais ça va s'en aller bien vite. C'est pour ça qu'on a Simon. Parce que tous les chèques sont faits en autre Simon, puis lui, il me paye cash. Mais est-ce que c'est possible d'ouvrir un compte en banque Où, ici? Ben pour vous, oui, ici. Moi, non. C'est ça. Non, mais la commission Charbonneau appelle. Attendez. Non, mais il y a des gens qui se sont demandé est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que c'est de l'humour brillant? C'est une bonne question, ça. C'est de la provocation pour de la provocation, ça. Mais moi, écoute, j'ai jamais décidé de provoquer. Pour moi, je faisais de l'humour que j'aime faire. Ouais. Je regarde les stand-up américains. Ça a toujours été mon influence de voir les stand-up américains noirs comme Eddie Murphy, Richard Pryor, Martin Lawrence, Chris Rock, Dave Chappelle. Puis moi, c'était mon influence en termes d'écriture. Puis on s'entend bien qu'ici, au Québec, en termes de culture populaire, c'est très contre-courant d'être fédéraliste, de vouloir un Québec fort dans un Canada uni, puis de le dire, puis de l'afficher. Oui, exactement. Bon, honnêtement, je pense qu'on va couper ça. Ouais. Non, mais c'est le congrès du Parti libéral du Canada. Mais là, je dis ça, mais vous devez le savoir parce que vous arrivez de là. J'imagine, vous êtes. Côte des Neiges Canada. Ouais, c'est ça. Non, mais vous riez à peu près de tout le monde dans les stand-up que j'ai vus. Oui, c'est vrai. Puis je ris de toutes les nationalités. Puis j'ai comme 5 minutes sur les souverainistes, puis c'est juste eux qui sont fâchés. Quand vous dites « je me souviens », vous niaisez pas. Ouais. C'est comme... mais c'est peut-être pas tous des souverainistes ici, quoique. Je veux dire, il y en a qui portent du bleu. Tu sais qu'on avait un détecteur de métal, hein? Okay. Pour checker, parce qu'on savait que moi, je venais. C'est ça. C'est comme un concert rap quand j'arrive. C'est comme un concert de rap. On était ben stressés. Hein? Mais en même temps, on ne l'a laissé pas passer. Parce qu'on regarde. Non, mais... vous avez aussi dit, en fait, qu'il y avait deux sortes de Québécois. Puis ça m'a fait bien rire. Les Québécois éduqués, cultivés et bien élevés. Et ceux qui ont voté oui. Oui. Est-ce qu'on... Les gens rient. Regarde, mec, très bon gag. Oui. Techniquement bien écrit. Oui, tout à fait. Exactement. Écoutez, moi, je trouve ça drôle. Oui. C'est rassembleur. Exactement. Puis quand on rit tous ensemble, je vois pas c'est quoi le problème, t'sais? Bon, on rit ensemble de malaise. C'est parfois, sûr qu'il y a du monde. Il y en a qui disent, il va mourir. Mais on a vu comment le public est pacté ici. Ouais. Soir, d'ailleurs, si le feu pogne, à mon avis, on meurt ici. OK, parfait. Juste le dire comme ça. Non, mais est-ce qu'on le croit vraiment ou c'est pour faire une petite blague? C'est sûr que c'est pour faire une blague. Ah. Puis en même temps. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a du monde qui se fâche, tu sais. Puis moi, quand les gens se fâchent, j'en remets. Ben oui, c'est clair. C'est le fun. Ben oui. Ben des fois, Yvon Deschamps a fait l'inverse pendant des années. Oui, c'est ça. Il disait que les anglophones étaient. Yvon Deschamps? Oui, je connais. Ah, OK, parfait. Oui. C'est... Non, mais c'est que... Ben oui, c'est lui qui jouait Passe-Montagne. Oui. Et puis. Avant l'émission, je parlais de Bernard de Rome, puis non, je connais pas. C'est-tu comme Passe-Montagne? C'est la même affaire, mais à l'autre réseau. Toutes mes référents mènent à Passe-Montagne. C'est tout ce que j'ai, vraiment. C'est ça. Seriez-vous game d'aller faire un corpo, donc animé pendant un congrès, genre du PQ, pour le fun? Ah, 100%. Ouais, hein? 100% comme à la Stephen Colbert. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais, ça serait cœur, hein, ça fait là. Fun, ça OK, fun. Je parle aux gens que je connais parce que je suis péquiste, évidemment. Vous savez. Okay. Ben non, c'est pas vrai. Voyons donc. non, j'ai avant de se quitter, parce que là, on va parler évidemment de l'émission avec Simon-Olivier Fecteau, mais j'ai reçu une question du public. Ça fait 40 ans que je fais de la radio, j'ai jamais reçu ça. Okay. J'ai une auditrice qui m'a écrit pour vous poser une question. Okay. Et elle est... elle vous aime pas, je pense. Mais je vais y aller comme suit. Bonjour, yes. M. Vautier. Une amie m'a dit que vous alliez recevoir Sugar Sammy. Le cas échéant, j'ose vous soumettre une question que vous aurez peut-être l'audace de lui poser. C'est assez élevé, honnêtement. Je l'ai un petit peu édité parce que c'est un show d'humour qu'on fait quand même. Non, mais en même temps, je pense qu'on va la relayer, mais elle a dit qu'elle vous a écrit, vous n'avez jamais répondu. Ben, on délite ces affaires-là, normalement, ben ouais. Nous autres, quand on soit ça. Non, non. Je crois que c'était l'automne dernier à l'émission de Pierre Barassa où Sugar Sammy a conclu son propos en invitant ses amis hindous de New Delhi et d'ailleurs à venir au Québec engrosser les Québécoises. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, sa question, ma question de point, peut-on dire n'importe quoi quand on est humoriste? Oui. Ah, bon. C'est très simple. C'est très... J'aurais dû lui réécrire. Ça ben oui, c'est une niaiseux. Comme ça, j'aurais pas dépensé du temps de mon show. Exactement. Pour... Ben ouais. On aurait sauvé du temps. Exactement. Puis l'argent des contribuables. Ah oui, il y a ça aussi. Hein. Ouais. Ah, mais les Canadiens, on aime ça dépenser pour notre radio. Notre télé, non? OK, on enchaîne. OK. OK. Hey, rapidement, avant qu'on aille avec Simon, il y a des élections bientôt au Québec. J'imagine qu'on vote pour Philippe Couillard. Juste comme ça, juste avant. Parce que ça serait quand même drôle d'avoir Pauline Marois. Oui, oui. Pour moi, ça serait bon pour ma carrière. Ben, c'est ça. Oui, ça, juste, ça continue. Regarde, pour côté stratégique. Oui, ouais. C'est ça. Ça continue à me donner du matériel. Ben. J'ai juste à ouvrir le journal. Puis, voilà. Exactement. Puis, la presse. Mais, ouais, on s'entend. Journal de Montréal, c'est juste pour emballer les fruits. Ouais. Le... Non, c'est une joke. Journal de Montréal, c'est une joke. Puis le devoir, il y a des mots que ben, vous comprenez pas. Non. Non, mais c'est dans un français. Moi, plus que trois syllabes. Ah. De toute façon, qui veut ça, plus que trois syllabes? Oui. Personne. Hey, dégueulasse. Vous restez avec nous, de toute façon, on reçoit. Ben oui, parce qu'il faut continuer. On a une grosse émission pactée. Et encore une fois, cette semaine, on pouvait pas se passer de l'écouter. Il est devenu une des coqueluches de l'émission. Alors, on va écouter un peu de Radiovision, le 14h30 AM. Vous écoutez le Radiovision, le 14h30 AM. Jean-Étienne Heude avec vous et avec Gladys, reine des ondes, qui fait des miracles pour que je sois en ondes chaque semaine grâce à sa bonhomie caribéenne et une bonne dose de Doctep qui fait tenir notre console vétuste. Je profite du passage de l'humoriste Sucre Sam à l'émission La soirée est encore jeune, que mon ami Gontran Civil écoute religieusement, pour souligner que oui, Sucre est un bel exemple pour tous les Québécois issus des minorités visibles, et il prouve qu'on peut réaliser son rêve malgré le racisme québécois. Je n'ai jamais vu Sucre Sam en spectacle, malheureusement je ne parle pas très bien anglais, mais je sais que grâce à lui, il y a de espoir pour tous ceux qui au Québec sont basanés est drôle, et je ne parle pas ici de Grégory Charles. Je sais aussi que Sucre Sam n'a pas la négritude aussi affirmée que certains membres de notre communauté le voudraient, mais il donne tout de même espoir que des artistes créoles auront un jour comme lui leur place au soleil de l'humour québécois. Je pense par exemple à Bélisère Villefranche qui pratique l'humour social. Il fait d'ailleurs d'excellentes blagues sur la crise de la canne à sucre qui a frappé Haïti dans les années 70. Mais heureusement, Sucre Sam n'est pas une canne, car il donne parfois dans l'humour salé, mais demeure un exemple que la minorité visible québécoise n'a pas toujours une tête de turc. On va le trouver, Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Jean-Philippe, donc, de retour à ce segment politique de notre émission. Je me trouve effectivement avec le chef d'Option nationale, le remplaçant de Jean-Martin Hossain. Je lui ai posé la question. Effectivement, il a un nom, il s'appelle Sol. On peut vraiment appeler ça un petit nom. Sol de Nassy. Merci infiniment, Sol, d'être avec nous, d'être parti de Québec. Bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Ah, il est tout fin. Ma première question, évidemment, elle est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que le chef d'Option nationale pense du budget Marceau? Le budget Marceau, écoutez, c'est un budget qui est austère, puis dans lequel il y a des choix difficiles qui sont faits parce que finalement, le Québec, comme province, n'a pas de marge de manœuvre réellement. Seul, vous avez été élu chef d'Option nationale après une très enlevante course à la chefferie l'été dernier. Et depuis, et là, je suis vraiment très sincère, je trouve que vous me semblez être un leader vraiment intéressant, charismatique, qui impose beaucoup de respect. Si on regarde ailleurs, au Bloc, Payet s'est pogné avec Mourani, au PLQ, Couillard s'est pogné avec Luda Pépin. Comment vous faites pour faire le consensus, vous, au sein de votre caucus? Ben, c'est simple, en fait, c'est qu'à Option nationale, on s'entend tous sur une seule chose, puis là-dessus, personne ne se chicane, c'est sur le fait qu'on veut faire l'indépendance dans un premier mandat. On est les seuls à s'entendre clairement là-dessus. Aussi, seule la position, évidemment, première d'Option nationale est très claire. L'indépendance du Québec est le plus rapidement possible. Et cette campagne électorale est à nos portes. Ça, vous le savez, évidemment. Vous devez déjà commencer à jongler avec ce que sera votre conseil des ministres. Et ces élections, on en parle dans quelques minutes, tout de suite après le billet du maudit tannant Fred Savard, Jean-Philippe. Hey, je vous écoutais pas, mais ça avait l'air bien intéressant. À tout de suite. On s'en prendra, balado. Merci, Jean-Sébastien. Merci. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui commande sa soupe à moins de 60 km du bureau. OK, Fred, c'est à vous. Oui, je vais sortir du placard cette semaine, Jean-Philippe. Je vais avouer une chose que je n'ai jamais pu faire avant. Je n'avais pas le courage de le faire. Attention, par contre, non, je ne vous avouerai pas mon homosexualité. Ce n'est pas ce genre de garde-robe dont je parle. Non, je passe aux aveux et ça risque quand même de nuire à ma prodigieuse carrière, mais la pression est trop forte. Je suis en train de craquer. Alors voilà, je me lance. Je pense souffrir d'une maladie qui m'empêche d'avoir de l'humour. Je ne trouve plus rien de drôle. Personne ne me fait plus rire. C'est même affligeant combien vous tous m'ennuyez profondément maintenant. J'ai fait des recherches pour mettre un mot sur mon état. J'ai tenté de chercher comment pouvait bien s'appeler le syndrome dont je souffre, parce qu'on parle quand même de souffrance, de détresse. J'ai pensé tout de suite au syndrome d'Asperger, ce que d'autres appellent Asperger, mais j'ai rapidement écarté cette hypothèse d'emblée, puisque je suis putré dans mathématiques. Mais je n'en souffre pas moins pour autant, car c'est extrêmement douloureux de ne trouver personne drôle, et ça inclut même moi-même, Jean-Philippe. Ben, ça, on ça... a beau beau me le répéter inlassablement que je suis drôle, que mon humour est unique, que ma capacité à lier blagues et réflexions dans une même chronique fait de moi un être à part dans la sphère humoristique québécoise. Rien n'y fait. Et Dieu seul sait qu'on me le répète continuellement. Ouais, okay. Que ce soit au marché Jean Talon, que ce soit à la boulangerie du quartier, que ce soit chez Roger quand je tente humblement de décompresser en compagnie de ma conjointe à l'ombre de la vitrine qui donne sur la rue. Vraiment, les gens n'ont de cesse de venir me voir et me répéter combien je les fais tant rire. Et malgré tout, je n'arrive pas à me trouver drôle. Savez-vous comment c'est frustrant de ne pas pouvoir apprécier et rire de bon cœur au diapason du bon peuple qui arrive, lui, à se dérider de mes propres blagues? Des millions de gens rient chaque année du bye-bye alors que je n'ai pas ri un 31 décembre depuis Bonne année Roger en 1982, alors que j'avais 11 ans. J'aurais bien voulu rire moi aussi en écoutant SNL Québec, mais j'en ai pas été capable. Peut-être parce que ça me rappelait trop Samedi de rire et que j'étais nostalgique de cette époque où je pouvais faire « C'est triste. J'aurais tant aimé m'esclaffer à la vue d'un gros comédien en train de manger un beigne, mais non, ma maudite maladie m'en a empêché. J'écoute notre émission et j'arrive même pas à sourire, Jean-Philippe. Même Jean-Sébastien m'ennuie profondément avec ses blagues éculées sur Louis Arel qui reviennent semaine après semaine. La chronique d'Olivier me fait un peu rire, oui, mais ce n'est pas Olivier qui me fait rire, ce sont ses extraits qui ne proviennent même pas d'humoriste. Et que dire du numéro d'ouverture, mais quelle tristesse. Bon. Ce n'est pas aussi pire que Deux hommes en or, certes, mais rien n'y fait. Je ne ris pas. À mon plus profond dégoût, je suis le plus mauvais public en humour et pourtant j'en fabrique moi-même de l'humour. Imaginez comment je me sens. C'est comme si Brassens était incapable d'écouter de la musique. C'est comme si Robert Lepage était incapable d'aller voir des pièces de théâtre de moins de 9 heures. C'est comme si Martin Picard ne pouvait plus se délecter d'un soufflet de gras. Je vis un calvaire, Jean-Philippe, et je demande de l'aide maintenant. Faites-moi rire quelqu'un. Sugar. Simon Olivier, j'espère que vous êtes conscient que vous avez de la pression. Vous êtes mon dernier espoir avec ces gars-là. Paraît même que Sophie Durocher a aimé les épisodes qu'elle a vus. Laissez-moi donc vous dire que je suis très inquiet. Merci. Oh boy, on va aller reparler à Jean-Sébastien. Absolument. Alors, je suis toujours avec le tout petit Sol, le chef de Option Nationale. Oui. Alors, on va parler des prochaines élections ensemble qui devraient déclencher, évidemment, dans les prochains jours. Dites-moi, Sol, comment vous envisagez les résultats de ce soir des élections? Je veux dire, si malheureusement vous étiez porté au pouvoir minoritaire, est-ce que vous seriez prêt à faire une alliance avec l'autre gros parti qui s'annonce fort aux prochaines élections, Québec solidaire? Bien, nous, on a dans nos statuts et règlements, en fait, depuis notre fondation, qu'on est prêt à faire une collaboration avec n'importe quel parti qui s'allierait suffisamment sur notre volonté de faire l'engagement, de faire l'indépendance du Québec dans un premier mandat. Évidemment, pour réussir ça, ça prend des candidats. Ça va vous prendre 125 candidats pour les prochaines élections. Mm-hmm. Vous avez promis de les trouver. Ça en fait quand même ça, beaucoup de candidats poteaux recrutés dans les bars et les cégeps, mon bon sang. Oui, c'est pour ça qu'on va élargir le spectre. Et moi, personnellement, je vous regarde, je vous entends et je crois en vous, mais il y a quand même des gens qui sont un peu sceptiques. À votre arrivée au pouvoir, vous avez dit vous donner 5 ans pour devenir premier ministre et réaliser la souveraineté du Québec. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est un peu comme si les deux hommes en or se donnaient le défi d'être drôles en ouverture de l'émission? Ben, j'ai pas dit ça exactement comme ça, mais ce que je pense, c'est que véritablement, après l'élection qui va venir, on va avoir la possibilité de bouleverser, je pense, l'échiquier politique, surtout sur la scène indépendantiste. Et ce qui est intéressant avec mes segments, c'est qu'on donne la possibilité, vous le savez, aux auditeurs de nous écrire. Alors, si vous avez des questions à poser à Sol, vous nous écrivez à la soirée à Robert-Strado-Canada.ca. On vous revient dans une vingtaine de minutes pour y répondre, Jean-Philippe. Vous êtes un chien sale, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Fred, notre deuxième invité. On l'a connu d'abord en trio avec les Chicken Swell. Il fait maintenant un duo dans l'émission C'est Gala qui prendra l'antenne très bientôt à VTL. Accueillons Simon Olivier Fecteau! Simon, tu connais. Une bière, Simon? Ah oui, non? Hey, tiens. Oh! Hey, boy! Là, il y a beaucoup de choses dont je voulais parler. Plus c'est plate, il faut quand même parler de ces gars-là. Quoi que Fred en a fait un clin d'œil, il paraît que Sophie Durocher a trippé bien raide. Hey, il y a un super article ce matin. D'ailleurs, je vois ça dans ces gars-là. Idée originale, Sugar Sammy. Juste Sugar Sammy. Ouais. Pourquoi? Il n'y a pas d'idée qui vient de ce Simon Olivier? Il y a. Non, mais. Lui avait plein d'autres jobs. Lui a réalisé toute la série. Ah, ouais, c'est OK, OK. Non, non, mais en fait, je sais pas si tu avais vu le preview là, avec ma graine. Oui. Bon, oui, pas ça, la mienne à moi. Non, mais. C'était ça l'idée originale. Ça, c'était l'idée originale. Ça, c'était l'idée originale. C'est-à-dire deux gars bien différents qui vivent des affaires. Ouais, ouais. Puis à ça, on a ajouté ensemble nos vies. On a injecté de la comédie, puis du drame, puis un ex, puis des complications. Là, c'est bien le fun. Ouais. Hey, on a beaucoup d'attente, en tout cas, avec l'injection, puis le kit. Mais avant de avant de parler de ces gars-là, on va parler de la vraie actualité. Vous n'avez pas parlé, tout le monde en parle. Chicken Swell. Oui. C'est fini. C'est fini. Puis t'as été un membre important. J'étais un membre là-dedans, je sais. Mais important, les grosses saisons de télé, c'était avec Simon-Olivier Fecteau. C'était avec Simon-Olivier Fecteau. Ça fait quoi depuis de voir un de... Ben, c'est un peu comme Fred Savard puis ses appartistes. Hein? Ouais. C'est vrai. Hey. C'est vrai. Mais est-ce que c'était plus drôle dans le temps? Je ne sais pas. C'était un gros humour. Paris continue. Ben, ah oui? Est-ce que c'est comme Passe-Montagne? C'est un peu comme Bernard de Rome. Aussi drôle que ça. Non, c'est pas vrai, Fred. C'est pas vrai. Ça a été des belles années, hein? Ouais. Non, je sais. C'était au primaire, là, mais les gens aiment beaucoup ça. Je sais. Mais tantôt, on riait, on disait Simon-Olivier Fecteau, réalisateur de films, il a juste fait la moitié de Bluff. C'est vrai. Comment ça se fait juste une moitié de film en 10 ans qu'on. Ben non, mais c'est parce que j'ai réalisé d'autres. Ben mais oui. Quoi? Ben oui. Mais j'ai réalisé quand ma cousine s'est mariée. Oui. J'ai réalisé. C'était un film, gars sous dans le métro l'autre fois, ouais. Je l'ai filmé. Ah! Déjà, c'était quand ouais, même. Non, mais, ça commence à... non, mais j'ai fait les Chicken Swell, le premier, c'était à la TV, on réalisait. Oui. J'ai réalisé deux bye-bye avec Ricky Benzaï. Oui. J'ai réalisé un film, j'ai fait des plein de courts-métrages. J'ai fait en audition avec Simon, j'ai fait de la pub, j'ai fait des affaires. Ah, de la pub? Ça, il paraît que c'est payant. C'est payant, tu peux pas savoir. Ah ouais? Hein? Ouais. Ah, OK. J'ai même fait une audition, on a déjà fait une audition ensemble. C'est très mauvaise, d'ailleurs. C'était épouvantable. Pas bon. C'est une de mes pires. Mais t'étais pas mauvais. Non, j'étais pas bon. T'étais pas mauvais, mais un moment donné, je me suis dit, hey, peux-tu en faire juste une autre? Puis ça, tu as dit non. Non, ça y est, moi non, je n'ai assez fait. Je suis allé au bout. T'es parti. Ah ouais, je t'ai visé. C'est vrai? Oui, je te jure. Je te jure. Puis à ce jour, quand je pense à des auditions, puis je me dis dans une audition avec Simon, ça vient de où? Ça vient de là. Ah! Ça vient de Fred Savard. C'est extraordinaire. Ça vient de là. Mon Dieu. Ouais. Mais on mentionnait les bye-bye de Rocket Belles Oreilles. Dans mon souvenir, c'était de très bons bye-bye. Qu'est-ce que tu veux dire? Là? Je sais que tu as la langue facile, toi. Non, la prochaine question, c'était est-ce que c'était bon le Bye Bye 2013? Bye Bye 2013, oui, c'était bon. Moi, c'est drôle, hein? Je trouve que le monde est sévère en Mais c'est parce que c'était si drôle, les Bye Bye de Rocket Belles Oreilles. C'était chien. C'était chien. Mais c'est-tu quoi? En ayant travaillé avec eux, puis en étant un de leurs proches, puis la personne à qui ils me font le plus confiance au monde. Ah, mon Dieu! C'est cool. C'est quand même En travaillant proche d'eux autres, tu sais, je me suis rendu compte, la dynamique. ces gars-là avec Galopage, on dirait que ça marche moins. Ouais, c'est moins ça. Tu veux-tu venir voir quelque chose chez moi? Ma gueule. Mais. Danny, qu'est-ce que t'en penses? Mon Dieu, que c'est malaisant! Oh, fait une chance qu'on n'est pas à Radio-Canada ici. Colline. Non, mais on n'a même pas fini sur. À force de fréquenter ces gars-là, parce qu'il y a peut-être une histoire autour de ça. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est que. Ce 25, je ne sais pas combien, 25, 30 ans, il y a tant des spéciaux, mais qui travaillent ensemble, c'est les Rocky Belles Oreilles. Puis ils ont une espèce de mécanique de création ultra serrée entre eux. Simon-Olivier Fecteau a travaillé dans des groupes. Sugar Sammy, non. Ça fait quoi travailler avec un solitaire, même, dans un show? Solitaire? Écoute, je sais pas. Il est pas solitaire avec moi. Ah non? Non. Travail d'équipe. On sait comment se faire des passes. Ouais. Yeah. Oh, c'est beau. Cool. Ouais. Continuez. Yeah, man. Yeah. All right. On. Ouais. Je vous entendais parler tout à l'heure de Seinfeld. On parlait avant l'émission. C'est quoi l'inspiration de ces gars-là, vraiment? Là? Parce que on parlait de l'humour aux États-Unis qui était un peu plus edgy qu'au Québec. Puis j'écoute beaucoup, beaucoup de stand-up aux États-Unis aussi. J'aime l'humour américain. Ça, c'est quoi l'inspiration de ces gars-là? Est-ce que ça va là? Pour nous autres, on a toujours été fans de pas mal les mêmes choses. Tu sais, ce que j'aime avec Simon, c'est qu'il y a des influences qui viennent de partout. Tu sais, Canada, États-Unis, Québec, Angleterre, France. Fait que pour moi, ça me rejoignait quelque part. Puis nous autres, on écoutait beaucoup les mêmes émissions. On adore Curb Your Enthusiasm, The Office, The Ali G Show. Passe-Montagne. Passe-Montagne. Bleu nuit, mais rayé. C'est pour ça qu'on est à V. OK. Fait que là. à quelque part, on voulait créer un show comme on aimait consommer. Fait que Puis en même temps aussi, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'humour de malaise. Là. J'ai fait sur ceux qui ont vu la série web en audition avec Simon, c'était beaucoup ça. Puis avec Sugar Sammy, qui a de l'humour très cinglant. Fait qu'on a mélangé ces deux types-là. Mais tout en ayant comme premier souci aussi de raconter une histoire. Puis je pense que ce que le monde va être le plus surpris en regardant l'émission lundi soir à 8h au Canal V, c'est que il y a une histoire, il y a vraiment une trame dramatique qui suit toute la saison. Est-ce que c'est tu joues même pas contre les jeunes loups de Régent Tremblay? Pardon? C'est pas en même temps que les jeunes loups? Non, c'est pas en même temps. Jeunes loups, je pense que c'est à 9h sur ta vie. Ah! Parce que c'est une comédie qui fonctionne fort, ça. Honnêtement. C'est étonnant, parce qu'ils n'ont pas de texte, les autres, non plus. Non, ils n'ont pas de texte non plus. Ben. Régent, quand même, il est fort. Oh oui. Hey, non, puis il écrit ça avec sa fille aussi, hein? Ouais. Non, enfin. On dit que ces gars-là, c'est un peu une genre d'autobiographie. C'est comme un peu la vie de Simon Olivier, la vie de Sugar Sammy. Ouais. Mais à quel point? Ben c'est très fictionnalisé. Oui, oui, non, mais je veux bien croire. Mais, oui, mais par exemple, ma graine, là, ce serait-tu le genre de commentaire que Sam pourrait chaque faire? Jeu du soir. Chaque jeu du soir. Nice! Puis des fois, les mardis. Ça fonctionne, fait que fuck it. Ouais, mais c'est comme... c'est un hybride de nos sens d'humour, mais aussi toutes les situations qui sont présentes dans ces gars-là viennent de quelque part. Ça veut dire qu'il y a une vérité par laquelle on a commencé puis on l'a amplifié pour la télévision pour en ajouter. Fait que la graine est plus grosse à la télé. Je ouais! C'est pour ça qu'on est à V! À 8h! À 8h! Lundi soir! Quand ça? Quand? Février, lundi, 24, 8h. Oh my God! Le lendemain des Olympiques, ça, c'est la surprise. Ah! OK! J'étais pas sûr que c'était ça. OK, le lendemain des Olympiques. Je suis Sammy, un humoriste qui a jamais joué dans un film québécois, je trouve ça bien spécial. non, mais. C'est vrai, je trouve ça spécial. Je disais, après 10 émissions, parce qu'il va y avoir 10 épisodes cette année, est-ce qu'on va faire un film entre les deux? Il pourrait avoir une job pour être réalisé un deuxième film, Simon Olivier, avec Sugar Sammy. Ben, moi, je l'engagerais juste pour la moitié. Ouais. Mais en même temps, tu veux-tu avoir l'autre moitié, Marc-André Lavoie? Marc-André Lavoie? Lavoie, ouais. Oui. C'est lui qui a fait hot dog, hein? Oui. OK. Sugar Sammy, Simon Olivier fait hamburger. quoi qu'hot dog puis ma graine, ça pourrait être super bon aussi. Yeah! Hot dog 2! Comment, en tout cas, on imagine bien le poster. Non, mais ça serait-tu dans les plans, pour vrai? Faire un film avec Sugar Sammy, ça vendrait. Ça vendrait pas juste au Québec. Écoute, rien n'est pas une bonne idée. C'est une bonne idée. OK, je peux-tu avoir idée originale, Jean-Philippe Vautier? C'était une phrase près, là, que ça fasse une bonne OK, gars, je vais travailler là-dessus entre les deux. N'empêche... Là, il y a 10 épisodes qui sont presque finis pour V. Oui. Il y en a-tu 10 autres pour l'année prochaine? On n'a pas eu une confirmation. On attend les chiffres. On attend les chiffres, les gens. On attend le party, voir si on est satisfait du party qu'ils vont nous faire. Ils font-tu un party après? Je ne sais pas. Moi, ben oui, mais je pose des questions. C'est la première saison, je ne sais pas ce qui se passe. Puis là, je reviens encore sur le début de la vie de Simon Olivier Fecteau, parce qu'elle est intéressante. En audition avec Simon, ça a comme starté tout TV. Ouais. En gros, là, tout TV s'est mis sur la map beaucoup grâce à en audition avec Simon. Mais c'est vrai, ça. Oui. Je sais pas. Ben oui. Oui, donc je peux dire. Hey, fais pas ça. Okay, ouais, bon, non, ça. Là. Hey, ça fonctionne. C'est à cause de toi. il va-t-il en avoir d'autres de ça? Parce que c'était franchement bon. Puis je vois le producteur qui était au fond là-bas. Puis il aimerait bien ça qu'il n'ait d'autres. Ah oui. Ben oui, là-bas. Bonjour. Écoute, pas pour le moment, mais ça n'empêche pas un spécial, un moment donné, un retour éventuel, mais là, je travaille sérieusement à temps plein sur la série. Fait que ça prend tout mon horaire et plus. Et puis, mais éventuellement, ce serait le fun de faire un spécial, quelque chose, des artistes, puis tout ça, refaire d'autres, puis être épouvantable avec d'autres mondes. Ouais, je t'avais pas connu à l'époque, plus je suis connu. Fait que, mais il est-tu assez? Oh! Booyah! Boum! Bam! Moi aussi, j'en ai des jokes! OK! Puis comme je suis un bon cœur, on va finir là-dessus. Oh! Hein? Merci, Simon! Mais tu restes ici quand même. On n'a pas fini. On a d'autres affaires à faire. Oui. D'ailleurs, on a une prochaine chronique, friend. Si écouter la radio Jambon était un sport olympique, il gagnerait une médaille d'or à chaque semaine. Voici la chronique d'Olivier Niquette! D'abord, je m'excuse. Personne ne m'a dit qu'il fallait se faire de jokes sur deux hommes en or, fait que j'en ai pas. C'est correct. Et bien, excellent sondage cette semaine pour le PQ qui obtiendrait 40% d'appui, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle puisqu'être trop haut, trop vite, c'est... moi, je pourrais vulgariser ça ou rendre ça plus vulgaire. Là. C'est comme un peu comme... C'est un peu comme... Parce que je te dirais ça, je sais pas si je vais oser te le dire, mais c'est un peu comme... Je te vois venir, ça se peut pas, mais vas-y. C'est un peu comme une éjaculation précoce, ça fait du bien, mais c'est trop vite. Ah, merci Jean Lapierre. Hey, ça va être le fun, cette campagne-là, quand même. Le PQ souffre de sondages éjaculatoires précoces, le PLQ bande mou, puis la CAQ, ben c'est un coït interrompu. Ça, c'est de l'analyse politique. Et pour rester dans les vieux lubriques, ouais. Régent Tremblay racontait cette semaine souffrir des mauvaises conditions d'hébergement, ce qui contribue à ses rhumatismes. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Quand je suis en période d'écriture d'une télésérie, par exemple, puis que sans que je m'en rende compte, là, je passe des fois 3-4 heures, là. Tu sais, quand je réécris la même séquence de sexe pendant 11 fois, c'est, j'ai le dos qui barre, c'est ça. C'est ça. Et j'aime mieux pas imaginer ce qu'il faisait pour que son dos barre. Une chance quand même qu'il n'a pas écrit l'histoire de Heidi Van Horn, la demoiselle qui devait faire l'amour avec 23 garçons pour ses 23 ans. Il serait sûrement devenu paraplégique. Pourtant, cette histoire n'en est pas une vraiment, comme l'expliquait Sylvain Bouchard de Cogeco. Mais qu'est-ce que ça vous fait? C'est même pas le record, c'est 500 le record. Donc, si on fait un texte sur elle, c'est pour dire qu'elle a pas d'ambition, puis que c'est pas assez, là, qu'elle aille un peu, voyons, 23! Hey, on a tellement pas d'ambition au Québec, là, c'est affligeant. Vous connaissez l'expression, hein, quand t'es né pour un petit pain, tu fais pas des sandwichs avec ben de la mayonnaise. D'autre part, Mario Dumont analysait cette semaine les manifestations en Ukraine et n'a pas pu s'empêcher de comparer ça avec quelque chose de pas comparable. C'est pas comparable, on l'a vécu avec les carrés rouges. On a quand même vécu le fait que ça dégénère vite la rue, là. Tu sais, à un moment donné, ce qu'on a vu à Victoriaville, là, tu sais, la vie paisible habituelle de Victoriaville, puis ce qui est arrivé un vendredi soir, une fois, là, mais le point où ça dégénère une coche de plus, et c'est ce qui est arrivé à Kiev la nuit passée, ben ouais. C'est une petite coche de plus. Quand, de part et d'autre, on sort les armes à feu, là, ça se dégénère. Hey, on l'a tué, échappé belle, juste une petite coche de plus, puis les étudiants sortaient leurs guns, puis c'était la révolution. D'ailleurs, ça pourrait se produire sur l'île d'Anticosti, puisque de nombreux artistes comptent se mobiliser pour s'opposer à l'exploitation pétrolière, ce qui inquiète beaucoup l'ancien péquiste Jacques Brassard, parce que les artistes... C'est des ignares en cette matière. La seule chose qu'il est... Non, oui. Leur opposition vient du fait que les hydrocarbures, ça produit du CO2, puis que le CO2, c'est produit par les humains, c'est supposé provoquer le réchauffement climatique. Cette théorie-là est de plus en plus, je dirais, mise en pièce. Ah oui, les artistes sont des ignares. Ils ne sont pas assez ferrés pour se prononcer là-dessus. C'est Jacques Brassard, ancien prof d'histoire au secondaire, qui vous le dit. Restons dans la gasoline, puisque Jeff Fillion rapportait cette semaine l'indignation d'un de ses amis qui l'a appelé pour se plaindre du prix de l'essence. Et là, le téléphone sonne. Hey, tabarnak, de calice, de tabarnak, comment ça, c'est de calice que ça baisse à coup d'une scène, tabarnak, pis ça prend une semaine et demie à baisser la petite crise, pis ils montent d'un coup de 10 cents, de calice de PQ! Enlevez les sacs, là. Il y a une bonne réflexion là-dedans. Oui. Et justement, j'ai essayé pour le fun. Hey, comment ça que ça baisse à coup d'une scène, pis ça prend une semaine et demie à baisser, pis ils montent d'un coup de 10 cents de PQ? Ah, ben oui. Quelle belle réflexion, hein, sur le cours du baril de pétrole. On croirait entendre Gérald Fillion. Faut dire que les automobilistes sont attaqués de tous bords, tous côtés. Par exemple, le ministre Sylvain Gaudreau, un écolo gauchiste, selon ce que j'ai entendu, veut des voies réservées pour le covoiturage, mais avec pas d'enfants dedans. Selon lui, les enfants, ça compte pas vraiment le covoiturage. Alors que moi, j'amène mes enfants à l'école dans une voie de covoiturage à Québec. C'est des êtres humains, les enfants, mais pour les gauchistes, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des sous-humains, les enfants. Eh oui, c'est bien connu, les gauchistes, ils mangent des enfants. Ou, c'est peut-être juste qu'un enfant, ben, ça n'a pas de char, fait que ça n'enlève pas ben ben d'auto sur les routes. Mais c'est un détail qu'a sans doute oublié Dominique Moret, qui généralement aime donner l'heure juste. Il a d'ailleurs souligné avec justesse qu'on tripe un peu trop sur le futur cardinal Cyprien Machin, alors qu'en théorie, on se dit laïque. Donc, arrêtons de dire qu'on veut du laïque blanc. C'est faux. C'est du deux poids. Disons la vérité, c'est tout. Puis à ce moment-là, moi, je suis bien à l'aise avec ça. Il est 10h15, là, tu sais. Donnons l'heure juste, tout simplement. 10h29, et vous êtes d'abord en live. Eh oui, Radio X, grand défenseur de la vérité, à 14 minutes près. Ah, c'est fini. Merci beaucoup, Olivier. Ah, oh boy. Hey, c'est presque officiel. On va avoir des élections provinciales et ça risque d'être le chant du cygne d'un certain parti politique, ce qui veut dire des belles aubaines pour nous, consommateurs. On écoute. Salut, c'est Serge quelque chose. En direct de la grande vente de fermeture de la CAQ. Et oui, vous avez bien compris, disons qu'avec les derniers sondages, on préfère vendre tout, tout de suite, pendant que notre stock vaut encore quelque chose. Venez profiter de nos rabais et vous faire prendre en photo avec François Legault avant qu'il ne disparaisse dans le sud sur Air Transat. Regardez-moi ce lot magnifique de balais avec des logos de la CAQ sur le porte-poussière. Idéal pour faire le ménage dans la fonction publique. Ça n'a pas beaucoup servi, mais ça fonctionne très bien pour épousseter les vieux meubles. On a également des pintes de lait, ça peut paraître étonnant, mais ce sont des pintes de lait avec le visage de François Rebello dessus. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter que c'est du lait écrémé? Ça aussi, c'est une vente finale. Évidemment, on a des caisses du livre de François Legault, Cap sur le Québec gagnant. On se croira au Colisée du livre. Si vous faites vite, vous serez non seulement le premier à l'acheter, mais aussi le premier à le lire. À l'achat de tout article de 5 $ ou plus, vous recevrez un T-shirt No Problème aux Bahamas, signé par Charles Sirois, un des fondateurs de la CAQ. C'est juste pour essayer la chaise de Jacques Duchesneau. Oh, puis repartez donc avec pour 50$. Oui, on a des prix qui défient la compétition. C'est à peu près juste dans ce domaine-là que la CAQ peut défier quelqu'un. C'est Serge quelque chose qui vous attend à la grande vente de fermeture de la CAQ, parce que c'est assez. Faut que ça vende! Bon. On va aller rejoindre Jean-Sébastien pour la dernière fois. Jean-Sébastien? Oui, j'en fais beaucoup, beaucoup de courriels ici pour notre invité. Alors, on imagine. On va tout de suite avec le premier. Oui, voilà. Le premier qui nous vient de S. Samy de Montréal, qui va comme suit. Allô, mon écœurant, ton parti, c'est de la merde. La souveraineté, c'est pour les fifs. J'aurais plus confiance en Magnota pour diriger le Québec que toi. C'est sweet. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un humour comme celui-là? Écoutez, moi, j'ai pas de ressentiment envers Sugar Sammy. Je pense, par exemple, que peut-être qu'il a eu peur quand il était jeune, mais il doit se rassurer, là, au Québec. Moi, mon père, c'est un immigrant. Je suis indépendantiste. Ça se peut, puis on est ouvert pas mal. Deuxième courriel maintenant, un courriel très confus, j'hésite presque à vous le lire, ça va comme suit. Oh mon Dieu. Bonjour Sol, avez-vous des nouvelles de votre ami Gobelet de l'émission Pépineau et Bobineau? Mes salutations à René Lévesque. Bon mercredi décembre et surtout bonne année 1952. Et c'est signé Gilles Languirand. Honnêtement, un témoignage qui fait sourciller Jean-Philippe. Mais pour vrai, on fait des blagues seules. Mais dites-moi, est-ce que c'est vrai que vous êtes un drôle de pistolet? Oui. Merci mille fois d'avoir pris la peine de venir ici. Surtout, bonne chance dans le sprint médiatique que vous commencez ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, voilà. Merci, Sol. Merci de vous être prêté au jeu avec Jean-Sébastien, ignoble personnage. Ouais, ouais. La dernière semaine, après ça, c'est Olivier qui prend le relais. Oui, je sais, mais on n'en peut plus, honnêtement. Okay. Notre correspondant parlementaire tente d'analyser à l'avance les résultats des élections qui s'en viennent. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Yeah! Ouais! Je vous donne le siège de l'animateur. C'est tout chaud. Hein? Ben oui, non, c'est je suis humide, par exemple. Moi, j'ai. Je passe une grosse semaine, Jean-Philippe. Ouais. Vous étiez au budget hier. Mais le budget, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, non? Ouais, vous allez raison. Nous parler de quoi à place? D'amour. Ah, pas. Ben non, mais c'est parce qu'on en a parlé la semaine dernière. C'était le spécial Saint-Valentin que vous avez détesté. Non, pas l'amour à leur genre, votre spécial Fadog la semaine passée, là. On donne dans l'agisme maintenant? Il y a plein de soleil, il est encore jeune, mon Dieu, tellement de malaise. J'attendais tout le temps que Patrick Lagacé embarque. Non, Vautier, je vous parle de l'amour, le vrai. Le vrai, là, l'amour. Love ouais. is all around, Vautier. Ouais, ouais. Marcel Aubu, comme un ours russe là, qui étreint Vladimir Poutine pour lui montrer ouais. que l'amour entre hommes, la bromance, ça peut aussi être viril. Puis il fait fondre toute la neige à Sochi. Hein? Ouais. C'est d'ailleurs la première fois qu'on avait de l'empathie pour Vladimir Poutine. Hein? L'amour politique, Vautier, le sentez-vous, Régis Labeaume, hein, ouais. qui dépite de voir que les courbes des jeunes nageuses se devinent mal dans le burkini, hein? Ouais. Alors que le bonhomme carnaval, lui, se promène de la jouisse à l'air avec juste une ceinture, ce qui nous ramène encore une fois à Marcel Aubu, mais je veux pas rentrer là-dedans. Non. Patrick Brazeau, hein, oui. qui est gérant d'un club de danseuses, ça, c'est du gros amour sale, ça. Ouais. C'est pas propre. Oui, l'amour, c'est ouvert. Le sentez-vous, la Pauline Marois, hein, qui aime oui. un peu les sondages et beaucoup le pétrole, hein, rêve de s'enduire du pétrole d'Anticosti en « Ouais, mon homme, viens visiter mon île ». Puis en plus, c'est ça, c'est les élections. Faut que c'est une affaire d'amour, dans le fond. C'est un peu ça. Exactement, ben, Vautier. Des élections, c'est un peu comme une date avec un de ces deux gars-là. Il y a toujours des risques de pointer. En tout cas, non, je veux dire. excusez, j'étais pas sur la bonne ligne. Non, non, dans le sens que c'est comme un rancard entre les candidats et les électeurs. Était le Mathieu Dugal du pauvre. J'ai trouvé les fiches réseau contact des chefs de parti et my God que c'est agréable. Ça va comme suit. C'est une référence précise en salle, ça. Oui, allez-y, allez-y. Je vous lis ça. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 64 ans. Dans ma prime jeunesse, j'ai pas été dompé dans une garderie à 7 piastres, donc j'ai voulu refaire le monde, j'ai pris des beaux risques, je me suis affirmé nationalement. Et faute d'avoir trouvé l'assurance morale de gagner des conditions, j'essaie de gouverner souverainistiquement au moment jugé opportun. Bon, comme vous voyez, je sais pas toujours ce que je fais, ce qui explique ma propension à changer souvent d'idée. J'aime beaucoup la musique, je joue parfois du couvercle de casserole pour endormir les étudiants, et ça marche! Je cherche un électeur de souche de préférence qui ne parle pas anglais, alors Sugar Sammy s'abstenir. Un électeur qui n'a rien contre la richesse, les hydrocarbures, les beaux discours et les contradictions. C'est cute. Ben oui. Le deuxième, bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 56 ans. J'avais un bon emploi dans un hôpital, mais j'ai décidé de me tourner vers le service public avant de finalement partir en voyage pour faire un World Emirat Tour. Ouais. Ah oui? Pas pour rien que les voiles, moi, ça me dérange pas. J'ai une voix... J'ai une voix posée, pragmatique. Je suis dynamique un jour par mois. Et attention, je suis doué d'une perspicacité hors norme. Récemment, j'ai découvert que les souverainistes étaient des souverainistes. C'est un wise guy. Je cherche un électeur de toute origine, bilingue, pas trop regardant ses contrats, qui a de bonnes relations avec la SQ. Oh. Ah, ben c'est intéressant, ça. Bonjour, je m'appelle François avec un R roulé. J'ai 56 ans et j'ai un bel autobus. J'ai fait carrière dans le domaine de l'aviation avant de m'écraser ici. J'ai beaucoup d'idées, mais puisque j'étais pas assez de moi-même, je suis pris avec une famille à des kisses un peu jambonnes. Mon sport préféré, c'est survivre politiquement. Et à cette fin, j'accuse chaque semaine le gouvernement d'improvisation pour des raisons différentes chaque fois. Je cherche un électeur qui veut parler d'économie, d'économie, d'économie, qui se lève et qui pense à l'économie parce que l'économie, c'est important. Le caribou s'abstenir. Ouais. Finalement, bonjour, je m'appelle François, j'ai 66 ans. Certains vivent d'amour et d'eau fraîche. J'ai toujours préféré le pain et les roses. J'aime beaucoup le plateau Mont-Royal et il me le rend bien. Je suis dans une relation postmoderne où je décide tout en collégialité avec Amir. Je cherche une électrice ou un électeur qui n'a pas peur des jupes de terre cuite, du patchouli et des mots qui se terminent en ist. Et finalement, bonjour, je m'appelle Sol, j'ai 31 ans. Oui, oui, Sol. Je recherche un électeur... Ah, c'est tout. Merci Jean-Philippe. Plaisir. Écoute, c'est déjà tout. On vous invite à rester à l'écoute. C'est la bibliothèque de René dans quelques instants. Merci à toute l'équipe. Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge. Merci à nos invités. On écoute ces gars-là. C'est quand déjà? Hey! C'est quand? Lundi 8h à BTL. Ah, 20h, hein? 20h. Ah, d'accord. Oups. Puis après ça, on écoute Des Jeunes Loups à TVA. Mais non, on écoute Série Noire. Voyons donc. Oui, c'est une bonne série. Bon, merci. Très bon. Franchement. Puis on va voir les shows de Sugar Sammy qui sont pleins pendant encore une couple de semaines. Ouais. SugarSammy.com pour les billets. Ah, c'est facile en plus. Right. OK, merci. Merci à vous deux. Merci à Sol Zanetti qui a bien voulu se prêter au jeu. Et si vous voulez écouter nos émissions, on est en balado sur iTunes. Venez assister à l'émission. La semaine prochaine, il reste encore quelques places. On reçoit Dan Bigra et Sophie Cadieu. Oh, oh. Vous nous écrivez un email. Je pense que Dan Bigra vient en Ford. Non, je pense pas, moi. Non? C'est en Dodge. En camisole. Ah, OK, excellent. Ici Jean-Philippe Baudier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde.